Gramme te plus froid dans vaisseau sanguinaire, obligé de t'allumer, tu fais plus de 100 kilos. Piste du diable qui réchauffe en hiver, la queue c'est du sel, si l'alcool c'est de l'eau. T'es pas le solitaire en avance en binôme, tu fumes grâce au cul de ton co-cellulaire. Combien de fils de pute sur 10 hommes, je marche qu'avec Amine, j'ai plus de 10 ans. Crapote ta chicha entouré de tes beubeux, capote sans chichi, gros huc en leu. Tu veux mon bien, y'a pas de sous ça et je veux pas mon bien. Trop souvent sous sky, j'ai fait du mal à petit cœur fragile. Je suis très calme et quand je parle j'agis enfermé. Tu penses à ta sortie, fuck la gamelle, cuisine des tagines. Toute la cité derrière ma carrière, faut pas que je me loupe. Pas de marche arrière, pas besoin de marabout pour voir les bâtards qui veulent me mettre des barrières. On serre les coudes, personne inquiété, je vais niquer un rappeur pour finir entêté. Gramme te peu froid dans ton aîné, comme un igno, je vais te faire danser néné. Peux être légendaire, pas finir au ballon. Je n'ai plus trop de nouvelles à qui la faute. Je n'ai plus trop de nouvelles à qui la faute. Viens dans mon coin, ça vivit quelques grammes de peuple. Faut pas finir au ballon, j'ai trop grandi, normal que j'ai le bras long. J'suis déter, j'te mets un tendu, tu t'allonges. Gros cul, tiens que sur gros talons. J'arrive dans le game, salé en finesse. Pète au feu, recherche pistilec. J'te dis, j't'aime que pour te la mettre. Bas les couilles d'être le bâtard de l'année. H la peuf, c'est réel, crois-moi. Tu peux me croiser dans les rues de chez moi. Fonce des écoutes en du chez, oui. Tout s'achète sauf l'air, mais oui. Lâche une crève ou roule en Chrysler. Yeah, yeah, yeah. Samedi soir, t'as l'air, bois du siroc.